Je te présente l'énergumène. Vous faites surprise comme le bleu sous l'air de Ménèque qui mène. Génération criss-cross, n'étonne pas qu'on ne fasse rien à l'endroit. Toute manière, on l'emmerde, Nicole, petit hongrois. On s'intègre pas avec ton béret et ta baguette. On se trouve beaucoup plus stylé en béret ta casquette. Bienvenue dans ma zone de non-droit. C'est avec les armes qu'on vient reprendre ce que tu nous dois. Le game. Pédale dans la semoule, très peu de son lourd, rien que des poids mouches à la prime à Selum. On aime le rap du ghetto, celui qui fait frissonner. Les sons qui donnent des envies étranges, on doit être pistolet. Un morceau lourd du pack, c'est un putain de coup de chatte. On respecte le public, pas comme les mutins de Nice Na. Boycotté, critiqué parce qu'un ton dessus. Je remets en question ta paix de carrière en temps de scie. Y'a pas plus arrogant, y'a pas plus dangereux. C'est pas notre bon style rap français, faute comme une chatte de rousse. Les MC seront payés en ride et je me fais pack de douze. La deuxième paire de barres fait crack, j'suis comme un flou. Maca, y'a pas plus arrogant, y'a pas plus dangereux. Dangereux. Dangereux. On pense qu'à fourrer le match de fou comme Tiger Woods. Ouais, Maca. Faut m'entendre, s'il le faut, j'passerai mon message au Toki, j'n'en ai. Rien à foutre de ton disque jogging. Passe pas mes sons, c'est pas grave. Je l'enverrai 6 pieds sous terre. Allez, mixer quelques disques de MC Cadavre. Main droite sur la boîte pour passer les rapports. Main gauche posée sur les joues pour pas faire des rappeurs. Bientôt je souffle ma 27ème bougie. Offrez moins d'encre et des armes que l'industrie je bousille. Hein? Il vaut toujours au-dessus comme l'accent circonflexe. Vois-tu pas qu'il est grand temps que t'astiques mon sexe. Signe nos chèques, on n'est pas pickpocket. On mérite tous les sous de la scène quand on kick nos scènes. Oh, en featuring c'est Ramos l'artiste. On gueule en première page, mon poil les coton pour d'article. Bientôt le disque d'or, non poteau, là je décolle. Le temps qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir sur Yes We Can. Y'a pas plus arrogant, y'a pas plus dangereux. C'est pas notre bon style rap français, faute comme une chatte de rousse. Les MC seront payés en ride et je nous fais un pack de douze. La deuxième paire de barres fait crack, tu es comme un flou. Maca, y'a pas plus arrogant, y'a pas plus dangereux. Dangereux. Dangereux. On pense qu'à fourrer le match de fou comme Tiger Woods. Ouais, Maca. Zek, attends. Je peux pas t'en aller comme ça. Balance-leur un petit 8, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Laisse tomber, je suis ok. Bon, c'est bon parce que c'est toi. Zek, Warham, je suis lié à ta puta. Ok. Demande à ta pute de rap musique si on n'est pas de mauvais son cœur. Qui lui explose les ovules, des sexes lâches comme des obus. Qui sort de scène escorté par des mondes et hauts des focus. Qui sort de scène avec du papier, l'eau, du skull et aucune. Faudesse, comment vous dire qu'on vous baisse. On zaza ou portugais. Testez ma plaque brute, c'est une prouesse. C'est le meilleur, c'est quoi et j'suis plus fort que tout le reste. Motherfucker.